Non, vous n'êtes pas mort. La preuve, prenez votre pouls. Vous êtes au palmarès, c'est fou. Bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 4 au 10 avril 2008. Je m'appelle Mathieu Plante. Et je m'appelle Virginie Cossette. Ou est-ce que je m'appelle Mathieu Plante? Est-ce que tu t'appelles Virginie Cossette? Car on est au Palmarès mélangé. Ah, Palmarès mélangé! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Là, est-ce qu'on a changé de sexe? Je comprends plus rien, moi. Mais non plus. Palmarès mélangé, ça veut dire qu'on va faire les palmarès dans un ordre, mais complètement n'importe comment. Dans un désordre. Même que je pense que je vais aller choisir un CD au hasard tout de suite dans le bac. OK, je te laisse. Parle pendant ce temps-là. Dis aux gens comment nous rejoindre. Comment nous rejoindre? Mon doux, vous pouvez nous rejoindre par le téléphone au 376-5183, par le net au cifou.ca. Nous écoutez en direct. Vous pouvez nous écouter du 89.1 FM aussi. Mon doux, toute une panoplie de manières de nous rejoindre, de parler à vos animateurs préférés. J'en reviens pas. Ben moi non plus. T'as réussi à le faire. Ben je le sais. C'était très bon ça. Je suis talentueuse. T'es vraiment bonne. Merci. Tiens, je l'ai mon CD en fin de compte. On va commencer par les numéros 6 cette semaine. Okay. Numéro 6, donc on s'en va entendre du côté anglophone, la formation Isle of Thieves avec Hollywood Cleft Lip, mais on précède ça par... On précède ça par Chocolat avec Piano Élégant. Tout de suite, Palmarès c'est fou, 89.1 FM. Et les vendredis soirs, on est avec vous jusqu'à 21h ce soir. Oh oui! Restez là. Pour avoir ton Thieves avec la pièce Hollywood Cleft Lip numéro 6 qui monte d'une place du côté anglophone. Juste avant, on a entendu Chocolat avec Piano Élégant, chanson que j'apprécie. J'apprends à aimer. Que tu apprends à aimer? Ouais. Moi, j'apprends à aimer notre concept dans le désordre ce soir. Oui, moi aussi. J'apprends à l'adapter, en fait. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, les Palmarès, c'est fou. Ce soir, on est fait dans un désordre total, d'accord? On est comme space, on est comme... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce qu'en fait, habituellement, on est toujours mêlés. Fait que je me suis dit, si on le fait dans le désordre, peut-être qu'on sera pas mêlés. Hein? C'est une tactique. Ben, c'est une bonne tactique. Ouais? J'aime ça. Moi, je suis diabolique. Donc, on a fait le numéro 6, on s'en va entendre au numéro 10. Et en passant, un petit rappel, on va vous le rappeler au courant de l'émission, mais si vous écoutez le vendredi soir en direct, on est avec vous jusqu'à 21h. C'est un spécial ce soir. Oh oui, on est heureux d'être là jusqu'à 21h. Très excité. D'habitude, on finit à 20h. Il y a la dernière porte à gauche, ça arrive. Ouais. Ce soir, on remplace Kiwan. Et si vous vous êtes pas le vendredi, l'émission va être rediffusée. On en reparlera plus tard, OK? On s'en va entendre au numéro 10 maintenant. Du côté anglophone, c'est The Hives avec Won't Be Long, qui était une nouvelle entrée la semaine dernière. C'est plus 5. Ouh là là! Et du côté francophone, on a Pas Chic Chic avec Eddie Morcelli qui monte de 4 places. Tout de suite au palmarès, c'est fou. C'est drôle comment je change de rythme avec la musique qui change de rythme aussi. Vous savez que ça va plus vite, je pars plus vite? Quand ça va plus lentement? Ouh là là! Je pars plus lentement. Ouais. Palmarès, c'est fou! Dans vos oreilles au 89.1! FM! Time, we'll won't be around for the bad, and I won't stick around in this town. No, I'm getting out instead. Formation The Hives avec la pièce Won't Be Long qui monte de 5 places dans les palmarès dans le désordre. Ah, excuse-moi, Virginie. Vas-y. T'avais pas ouvert mon micro. Tu dis pas ça. Dis pas ça. Mathieu Plante. C'est même pas ça, c'est même pas vrai. Hey. Tu dis des menteries, tu m'accuses sans même avoir de preuves. Ben là, je t'ai vu ouvrir la console. C'est même pas vrai. Je vais penser que tu m'aimes plus et que tu veux plus que j'anime avec toi. Ah ben, c'est pas juste ça. Bref, juste avant The Hives, c'était un peu chic-chic avec Eddie Morcelet. Merci, Mathieu. Ah ben non, c'est pas vrai. Tout le monde t'aime, Virginie. Je sais. T'as des appels d'auditeurs qui te harcèlent de propositions indécentes. Ben oui, toi. À chaque semaine. Hé, hey, ça, c'est drôle. Ah, il y a des gens qui nous harcèlent, mais dans le bon sens aussi, oui. Parce qu'ils veulent avoir certaines chroniques. Il y a des chroniques que les gens apprécient particulièrement, dont le plancher. Donc, quand oui. On parle de gens stupides qui font des choses stupides. Moi aussi, c'est une chronique que j'apprécie vraiment beaucoup. Ben tant mieux, on va en faire d'ici la fin de l'émission. Mais je pense vraiment aller dans le corridor, prendre le téléphone public puis t'appeler pour te le demander. Mathieu, est-ce qu'on va faire la chronique du plancher ce soir? Elle aime tellement la chronique qu'elle se rappelle même pas du nom. Ben, parce que là, j'avais une autre chronique en tête qu'on prend dessus. Ouais. D'autres choses qu'on va faire, justement, ben c'est les papalmiers. Si on fait ça maintenant. Ben oui, j'en ai une, justement. Les papalmiers, pour rappeler à nos palmiers ce que c'est un email que mon papa m'envoie gentiment chaque semaine, puis qui est une niaiserie, en fait. Ça n'a pas rapport avec rien, c'est non. Juste drôle. Oui, puis j'ai vraiment du plaisir à les lire en ondes. Puis cette semaine, c'est 9 expressions utilisées par les femmes. OK. Donc, je vais avec la première, qui est « parfait ». Qui est un terme utilisé par les femmes pour mettre fin à une argumentation lorsqu'elles pensent qu'elle a raison et qu'il est grand temps pour vous de vous taire. Ben oui, hein. La deuxième étant 5 minutes. Si elle le dit en se préparant pour sortir, ça signifie une demi-heure. OK. 5 minutes sont réellement 5 minutes, seulement lorsqu'elle vous a donné ses 5 minutes pour regarder encore le match à la télé avant d'aller l'aider aux tâches ménagères. La troisième, c'est « rien ». Ça, c'est le calme avant la tempête. Oh, quand tu demandes qu'est-ce qu'il y a et qu'elle dit rien. Hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ce mot signifie en fait qu'il y a quelque chose et vous devriez être sur vos gardes. Les discussions commençant par rien aboutissent habituellement avec parfait, qu'on a vu précédemment. Oui. La quatrième, c'est ça. Fais donc ça. Ah. Ça, c'est un défi, pas une permission. Ne le faites pas. La cinquième, juste un soupir. Un gros soupir, comme ça, là. C'est pas un mot, mais une déclaration non-verbale, souvent mal comprise par les hommes. Un gros soupir signifie qu'elle pense que vous êtes un idiot. Et elle se demande pourquoi elle perd son temps ici, à vos côtés, à se disputer à propos de rien. Oh, rien de précédemment. Oui, la signification numéro 3. Il y a des liens là-dedans. Oui, oui, oui. La sixième, c'est correct. Hein? C'est la déclaration la plus dangereuse qu'une femme peut faire à un homme. Uh-oh. Ça signifie qu'elle va passer longtemps et durement avant de décider de quand et comment vous payer pour votre erreur. La septième, merci. Une femme peut vous être reconnaissante. Ne posez alors pas de questions et dites juste « bienvenue ». Il faut cependant ajouter ici une mise en garde. C'est vrai, à moins qu'elle ne dise « merci beaucoup » sur un ton sarcastique. Ah. Alors, c'est du sarcasme pur et elle n'est pas, en fait, pas reconnaissante du tout. Dans cette situation, ne dites pas « bienvenue » car ceci mènera évitablement à anyway, peu importe ou laisse faire, qui est la prochaine définition. C'est une façon polie de vous dire « va chier » ou le fameux « oh oh ». Et la neuvième et la dernière, « laisse faire, moi le faire ». Autre déclaration dangereuse. C'est la manière qu'a une femme de dire à un homme qu'il est incapable de faire plus d'une chose à la fois, d'établir ses priorités et d'agir quand c'est le temps. De toute façon, c'est trop tard car elle s'en occupe elle-même maintenant. Ceci aboutira à la question de l'homme, qu'est-ce qu'il y a, ce qui engendrera la réponse de la femme. Rien. C'est tout. C'est le cercle de la vie. Ben oui, fait que maintenant les hommes, vous êtes au courant, hein? Fait que faites attention à ce que vous dites et prenez garde à ce qu'on répond. Tournez votre langue cette fois dans votre bouche avant oui. de parler. Oui. On s'en va entendre au numéro 6 maintenant. Pourquoi pas? On est rendu là. 6? Non, on les non, a non, déjà 3. Fait. 3, excuse-moi. 3. On est dans le désordre aujourd'hui, ça paraît-tu? Oui. On a de la misère à suivre. Je pensais qu'on serait pas dans le désordre vu qu'on est dans le désordre. Ah, je qu'on serait qu'on pas mêlé. C'est comme le jour à l'envers aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas une journée internationale à l'envers on dans prend... le monde. Oui, je pense. Non, je pense pas. Non? On prend les déjeuners après l'émission. Ah, OK. Oui. On pourrait dire au revoir à la place de bonjour. Ouais. On pourrait. En tout cas, on pourrait faire plein de choses. Hein. Bref. Oui. Numéro 3 anglophone, c'est The Blue Seeds avec Barcelona qui est stable. Ça fait 6 semaines que c'est dans mon palmarès. Du côté francophone aussi, une stabilité. Gatineau que j'apprécie particulièrement avec Rap Maudit. Et reste là parce que plus tard, on va aussi faire ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Ça, c'est le top. Le top électronique, le top loud, le top des disques canadiens, le top 30 des albums. On va balayer le plancher, on va faire un autre papalmier. Oui, tu vois, oui, la oui, part de oui. Virginie. On va aussi savoir ce qui se passe dans le top de Earshot. Ça veut dire les radios universitaires au Canada. Et oui. On va aussi apprendre ce qui se passe cette semaine à l'émission humoristique extrême Vidon la question. Avec Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. Cette semaine, la semaine prochaine, on va parler d'intolérance raciale. Invitons la dans la question. Si vous avez écouté cette semaine, c'était vraiment drôle, le spécial Pas d'argent. Très, très drôle. Vraiment, avec des tunes sur les lits, là. Oui, je me souviens. Ils ont cherché sur LimeWire. Je me rappelle que t'as vraiment aimé ce bout-là. Oui. Vraiment, dans la question, on va entendre ça plus tard. Mais ceux qui veulent noter l'heure, c'est les mercredis à partir de midi. On va diffuser les vendredis à 9h et les samedis à midi. Mais pour l'instant, on va entendre notre numéro 3 francophone. Gatineau, rap maudit. 89.1 FM. Dans vos oreilles. Les palmarès, c'est fou. Votre entrage vit à mon boulevard étage pour que le public ben que je m'en saigne pour le poème. Poète c'est l'intime. Vite autant le fond de la forme comme il faut. Ça sent mes sonnets sonnent. Finalement faux, je l'embrassis. Parler de syndical. C'est toute la longueur de mes lignes horizontales. Mais la seule pause qui se pose pour pause aussi brutale. Je laisse ça sortir. Ou je le ravale. Je retiens-tu le flow. Ou je m'en avale. Ben joue sérieux. Laisse du lèvre court au mot qui est dans mon âme, des balles. La lit la littérature, qu'elle déborde de bord en bord jusqu'à bordure. La marmite des mots illicites. C'est le même qu'on essaie de des silences tacites. Des vrais violents d'envergure. Au fur et à mesure, j'essuie la suite sur ma figure. Enfin, l'ampe de jus qui s'agite. Que par ma flamme, la même école, la flamme, elle ressuscite. Me voir dans le miroir, dans le creux noir, dans le bas des yeux, déjà présent dans l'auditoire. Écris mon histoire, ramène mon écritoire, avec mon répertoire, et la balade des vieux grimoires. Écris au singulier, mec, pas contre chaque parcelle. C'est pour le public une partie de l'universel. Leur expérience respective à mon échelle. Qu'est-ce que ça soit, c'est beau, M, si belle rue, t'es j'attends le poème signifié. Certifié à mon talent, tout en me sanctifiant. J'aimerais mon âme à mes fils, tout en défiant. Dans ma demande de faire écrire des textes édifiants. Mais l'écriture donne pour moins de source d'angoisse. J'ai tendu des textes à terre que je laisse en ardoise. Comme des poèmes disparaissent des feuilles que je croise. Je m'en pardonne pour fixer forêt pour mon éboise. Je l'excite, moi d'assister, mes vestis. Mes textes excités, à l'université. Puis qu'on en comprenne enfin toute la densité. Le pourquoi je chante avec tant d'intensité. Le désordre continue avec les numéros 13. Où ça? Au palmarès, c'est fou. 89.1 FM. Vous êtes au palmarès, c'est fou dans le désordre et on est rendu au numéro 3. Anglophone, voici The Blue Seeds et Barcelona. Je me suis pété le coude. Virginie, arrête de te péter les coudes. Fais-toi pas mal pour moi, tu sais, je vaux pas la peine. Ça fait mal. Out of bloom and into the blue. The Blue Seeds et Barcelona en position numéro 3, c'est stable, 6e semaine de présence. Oui, une autre stabilité, comme je disais tantôt, du côté francophone, Gatineau avec Rap Maudit. Oui. Ça fait quand même 5 semaines que c'est en Londres. Et l'album est éponyme. Et l'album est excellent en plus d'être éponyme. Ah, en plus. Oui. Hey, en fond des affaires, Gatineau. C'est comme une option. Avant d'aller aux positions numéro 13, parce que là, on s'en va dans le désordre total, comme depuis le début de l'émission jusqu'à la fin. Oui. Oui. Et on finit plus tard encore ce soir. On finit à 21h. On le répète pour les gens qui n'étaient pas là tantôt. Sauf pour les gens qui écoutent le mercredi. Il va y avoir un gros cliffhanger, comme on dit dans le domaine de la télé, mettons. Il va y avoir un genre de suspense à la fin. Vous allez devoir s'éteindre le lendemain pour avoir la suite. Oh là là, mais eux, ils vont être tristes parce qu'ils vont devoir nous quitter une journée de temps. Tellement, ça va être dur. C'est bon. Pas grave. Bon, ils vont faire avec, je pense. Ouais, ouais. Nous autres, on va aller voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que pour les non-initiés, là, qu'est-ce que ce n'est pas, les palmarès? C'est fou, Virginie. Qu'est-ce que ce n'est pas? C'est pas de la mauvaise musique. Oui, aussi. C'est pas juste un top 15 francophone et un top 15 anglophone. Non, c'est quoi à la place? Je vais te demander, c'est quoi les palmarès? C'est quoi? Ouh là là, c'est beaucoup de choses. C'est un top 10 électronique, un top 10 loud, un top 3 des 10 canadiens et, faut pas oublier, le top 30 des albums. Oui, Virginie, à chaque semaine, c'est sa première émission, je pense. Ouais. Merci. Top 10 électronique, voici la seule et unique nouvelle entrée, c'est la formation Cassettes Won't Listen avec l'album Small Time Machine. Je sais même pas si j'ai le goût de continuer avec toi. Je sais pas si tu devrais, en fait. Moi, je continue pas. OK, bon, je vais faire le reste. Top 3, plus 1 pour Science for Girls avec leur album éponyme. En deuxième, plus 1 pour Trouble Over Tokyo avec Pyramids. Et le numéro 1, c'est stable, Tear Gas and Plate Glass avec Black Triage. Tu sais, quand tu ne reviens pas, tu fais juste te punir toi-même. Ah, mais je veux des excuses en onde. Je voudrais sincèrement demander pardon à Virginie Cossette. Ce que j'ai fait n'était pas correct, ne devrait jamais être refait, et je m'en veux énormément. Oh, j'aime ça. Ça va? Encore. Non, non, ça va faire. J'ai comme un trip de pouvoir, là. Wouhou! OK, est-ce que tu veux faire le reste tant qu'à faire, maudit? Fais tout le reste. Je te laisse tout faire le reste tout seul. Vas-y. Bon, là, c'est tu vas faire sans musique, en plus. Une revanche, là? Oui. Hey, pas de musique, là, c'est poche. Ah. Là, on va perdre des auditeurs, Mathieu. OK. Moi, t'as raison. Bon. Top 10 loud, top 10 loud, il y a 3 nouvelles entrées. President Evil avec Hell in a Box en 10e position. En 9e position, Storm Warrior avec Heading North. Et en 8e, In Flames avec The Mirror's Truth. Ça s'appelle vraiment President Evil. Ouais. C'est vraiment génial comme nom. C'est génial. Là, tu veux que je fasse encore les 3 positions vedettes? Oui, vas-y. En 3e position, Meshuga avec Obzen. En 2e, The Ocean avec Precambrian. Et en 1e, Cavalleria Conspiracy avec Inflicted. Bon, on fera le top 3 des 10 Canadiens et le top 30 des albums plus tard. Mais pour l'instant, on va entendre au numéro 13. Ce sont des nouvelles entrées du côté anglophone. On va entendre le retour de Plants and Animals avec Bye Bye Bye. Et du côté francophone, on a Elephantine avec En attente de moment présent, aussi une nouvelle entrée. Oui, et très très bon groupe. J'ai hâte d'entendre. Très bon. Il y a des détails qu'on mentionnera plus tard, après. On veut que vous fassiez une opinion avant. Okay. D'accord? Donc, vous allez l'écouter, vous allez vous dire « Hum, c'est bon. » Et après ça, je vais vous révéler le fait mystère. Ouh, j'ai hâte. Oh oui. Allez, marche, marche, marche. Allez, marche, marche, marche. Marche, marche, marche. Comme on dit. Marche, marche, marche. Tu connais l'expression « marche, marche, marche » ? Ben non, pas vraiment. Non. T'es tellement pas in. Je le sais. Palmarès, c'est fou. 89.1. FM. sur toutes les touches pour accéder à aucun menu. La boîte vocale que vous tentez de rejoindre est présentement pleine. Dans une autre vie, s'il vous plaît, rappelez plus tard. Je vais passer ma vie au bout du feu. Je vais passer. pas oublier ça quand même. Ben non. Si on fait pas ça, ce serait pas fin. Vraiment pas. On vient d'entendre les positions numéro 13. Du côté anglophone, c'était la nouvelle entrée Plants and Animals avec Bye Bye Bye de leur album Park Avenue. C'est leur deuxième entrée de cet album-là. Avant ça, on avait Good Friends jusqu'à la semaine dernière. Juste avant, on a écouté Elephantine avec En attente le moment présent. Et le suspense est terminé. Mathieu, tu vas nous dire? Ben, les auditeurs habitués, c'est fou, qui écoutent entre autres l'émission La dernière porte à gauche, qui nous suit habituellement vendredi soir à 20h. Vous allez savoir que Kiwan a fait la promesse de ne plus dire ce secret-là à chaque semaine. Il va arrêter de le dire. Il l'a fait pour la dernière fois la semaine dernière. Le secret, c'est que dans Elephantine, ben, c'est le band de Maxime des Biens-Tremblés, Manolo de Ramdam. Ah! C'est ça le secret. Donc là, je voulais vous demander, quel est votre verdict? Est-ce que vous avez aimé la pièce? Parce que, bon, premièrement, vous l'avez pas vraiment écouté, mais bon. Est-ce que vous l'avez aimé? Oui. Bon, super. Oui. Non? Vraiment? Mais je dois avouer que j'ai pas vraiment porté attention. Parce que j'ai 8 millions de trucs en même temps, mais je vais réécouter et je vais porter une attention particulière. Bon, c'est bien. Et je serai critique. Sois sage, j'écoute la bonne musique qu'on joue dans les palmarès, Virginie. C'est ce que j'écoute à la maison, c'est les palmarès. Oui, mais tu les écoutes comme après qu'ils soient même plus dans le palmarès. Mais oui, mais je les écoute quand même. Bon, t'as raison, avec un délai. J'écoute Téléphérique, Bruno Marsil ces temps-ci. Tu vois plus rien du palmarès. Mais non, mais c'est quand même excellent. Téléphérique est plus là. Non, et c'est vraiment triste parce que ouais. Téléphérique est excellent. J'espère qu'une autre pièce 2 va venir bientôt. Mais bon, donc, tout ça pour dire qu'Elephantine, on ne dira plus ici au Palmarès C'est Fou que c'est le groupe de Maxime Desbiens-Tremblés. On veut qu'il soit apprécié pour son propre talent et non pas par la bande à cause de Ramdam. Hein? Mais et je suis sûr que lui aussi veut plus être associé avec Ramdam nécessairement. Non, mais il est beau comme un cœur. C'est vrai, hein? Il est rendu avec une barbe. Oh! Viril. Moi, j'aime ça les barbes, fait que c'est correct. En tout cas, passons à un autre sujet. Hein? On s'en va aux positions. Quelle position m'as-tu demandé? C'était les positions numéro 8. Oui! C'est ce qu'on m'a dit. Mais avant de passer au numéro 8, qu'on va entendre Jean-Philippe et Joe Jackson tantôt, on va faire le reste de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. OK. Mes phrases sont autant dans le désordre que l'émission dans le désordre d'aujourd'hui. Mes phrases se tiennent pas pantoute. Non, pas vraiment. C'est pas grave. C'est pas grave. Top 3 des disques canadiens, donc une seule nouvelle entrée, c'est le numéro 2. Avant ça, on va faire le numéro 3. C'est Aiden avec Infield and Town, l'ancien numéro 1. Ouh là là, en deuxième position, notre nouvelle entrée, Madcaps avec Kiss the Lion. Et numéro 1 qui monte d'une place, The Blue Seeds, avec leur album éponyme, The Blue Seeds. Ouh. Côté top 30 des albums, nouvelles entrées, il y en a des tonnes et des tonnes, une barrique de nouvelles entrées. Je vais les faire. 30e position, on retrouve la formation Duchess 16 avec Anthologie des Trois Perchoirs. C'était aussi le poste d'or à l'émission Le Poste d'écoute cette semaine. Donc c'est très très bon, Duchess 16, c'est un groupe de Montréal. Ensuite, numéro 29, Nia avec Nia plus Antigama. En 28e, Nick Cave de Bad Seeds avec Dig Lazarus Dig. En 27e, Lapco avec Young Desire. En 25e, une formation que j'apprécie tout particulièrement, Los Campesinos avec Hold On Now Youngster. En 19e, c'est Supergrass avec Diamond Uha. Ensuite, on monte à la 14e pour retrouver Black Mountain avec In The Future, qui est une des nouvelles entrées qu'on va entendre plus tard. Hein. Dans le désordre. Ça m'arrête, c'est fou dans le désordre. On joue des pièces n'importe comment ce soir. Top 3, c'est moi qui vais les faire aussi, apparemment. Stable, The Blue Seeds avec leur album éponyme. En deuxième, ça monte de 3. The Marsh Volta avec The Bedlam in Goliath. Et le numéro 1 est une montée d'une place. Cinquième semaine de présence pour l'album Slick Dogs and Ponies de la formation Louis 14. On s'en va entendre nos numéros 8 du côté anglophone. C'est Joe Jackson avec Invisible Man qui est stable. Mais juste avant, voici Jean-Philippe. Avec Je veux prendre mon char. Hey, mais c'est qui ça? C'est pas Virginie? Ah, quelqu'un m'a volé Virginie. Oh! C'est la voix de remplacement. Sainte liberté. mal? Pourquoi le mal? Pourquoi le mal? Pourquoi le mal? Pourquoi le mal? Pourquoi le mal? Pourquoi le mal? Pourquoi le mal? Can't touch, can't touch the invisible man. Malgré ce que j'ai dit à chaque semaine depuis qu'elle est sur le palmarès, je commence à apprécier cette pièce-là. Ben moi aussi, je me suis surprise à la chanter. Tu sais, à chaque semaine, je dis c'est la pire affaire. Tu sais, genre, je fais un message de Beto Media par-dessus. Mais non, avec le temps, on finit par l'apprécier. Il y a des pièces qui prennent du temps, tu sais. Ouais. Tu sais, sont lentes un peu. C'est oui, mais tranquillement, mais sûrement. Voilà. C'est comme un orteil à la fois. Mais... dans le spa, dans la piscine froide, tu sais. C'est, oui. C'est plus approprié, je pense. Dans la piscine froide après le spa. Ah, voilà. Ça, c'est quelque voilà. chose. Vous êtes dans les palmarès dans le désordre ce soir. On fait, on passe les pièces dans un désordre total, là. Tu sais? On aime fait, ça aussi, hein? On a fait quoi? Numéro 6, numéro 3, numéro 8, n'importe comment, là. Ça, c'était les numéros... c'était quoi, ça? 8. Numéro 8. Donc, on vient d'entendre Joe Jackson avec une pièce de son album Rain qui s'appelle Invisible Man. Ça, ça... c'est stable. En huitième place. Ça mais oui, sa c'est vrai. Ça fait 4 semaines que c'est là. Puis du côté francophone aussi, c'est stable. Ça fait 9 semaines que c'est dans les palmarès. C'est Je veux prendre mon char de Jean-Philippe de son album Semblant d'y croire. Très apprécié, c'est fou, Jean-Philippe, on aime ça. Oui, oui. C'est tout ce qu'on aime aussi. Quoi? On aime parler de ce qui va s'en venir plus tard dans l'émission. Wouhou! C'est tellement excitant. On va apprendre les CD les plus vendus au Canada. On va apprendre aussi ce qui va se passer cette semaine, la vidéo dans la question. On aime ça. On va parler de gens stupides qui font des choses stupides. Ça, il y a des gens qui aiment ça. Oui, tout à fait. Et on va aussi se renseigner. On va voir ce qui se passe dans le journal Zone Campus de cette semaine. Oui, puis on n'a pas le... Je vais finir par mettre des mots sur ce que je veux dire. La chronique sur les autres radios universitaires. Oui, oui, tout à fait. Ça, j'adore. C'est le palmarès de Earshot. Oui. Tout à fait. Tout ça dans un ramassis de contenu et d'informations d'ici la fin de l'émission à 21h les vendredis soirs. Faut le dire, on ne dit pas assez, là. L'émission finit une heure plus tard ce soir au lieu de 20h. On continue jusqu'à 21h en remplacement de la dernière porte à gauche. Ça, c'est en direct, donc de 17h à 21h. Les gens qui écoutent la rediffusion du jeu du mercredi qui est de 15h à 18h, de 3 à 6, OK? On va finir comme d'habitude à 18h pour laisser la place à Frédéric Lévesque-Saint-Don. La quatrième heure va être diffusée le jeudi. Oui. À partir de 13h dans la case horaire de la porte à gauche. On demande d'ailleurs aux gens de pas trop pleurer le mercredi, là. Non. Parce que, tu sais, on est quand même en onde le lendemain pour notre heure de fin. Oui, c'est ça. Et elle va aussi être diffusée le samedi. Aussi. Aussi à 16h. C'est bon. Hein? Ça fait beaucoup d'heures, mais bon. Oui, je vais l'écouter à la maison. J'ai vraiment hâte d'entendre notre spécial 4h. Puis j'espère que les gens sont heureux parce que moi, je suis heureuse d'être là pour 4h. Oh, on aime ça passer du temps avec vous, les palmiers. Ben oui, puis moi, j'aime ça passer du temps avec toi, Mathieu. Hein? Tu passes ton temps à me bitcher, mais... J'arrête pas, qu'on a du fun. Je suis vraiment gossant là-dessus. Ouais. Hé, hey, je me rends compte, je regarde l'heure ici, là. Oui! Tu la vois, là? Oh là là! Déjà! Oh mon Dieu! Déjà! C'est la fin de la première heure des palmarès. C'est fou, donc on va faire un résumé de ce qu'on a entendu, mais pas dans l'ordre qu'on les a passés, parce que ça va être beaucoup trop mêlant. Côté anglophone, on a entendu, entre autres, le numéro 3, qui est instable, The Blue Seeds avec Barcelona, Isle of Thieves avec le numéro 6, Hollywood Clef Flip, Joe Jackson, stable en 8e avec Invisible Man, The Hives avec Won't Be Long, qui montait de 5, et Plants and Animals, qui est une nouvelle entrée avec Bye Bye Bye. Du côté francophone, en 3e position, on avait Gatineau avec Rap Maudit, en 6e, Chocolat avec Piano Élégant, en 8e, Jean-Philippe avec Je veux prendre mon char, c'est d'ailleurs la chanson qu'on vient d'entendre. En 10e, Pas Chic Chic avec Aidé Morcelé. Et en 13e, Éléphantine, qui est le groupe de Maxime Delaine Tremblay. Hey, avec On attend le moment présent. On ne dit plus ça. On ne dit plus. Oh non, non. Restez là en 12e heure. Deuxième heure des palmarès dans le désordre. Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh. C'est comme si on était tous aïe. Deuxième heure de 4 heures. De 4, deuxième heure de 4. Oui, on est avec vous jusqu'à 21h le vendredi soir. Oui. Friday Night Live. Dans votre radio. Et voilà. Donc, cette deuxième heure débute par n'importe quelle position. On a choisi les numéros 15. Oui. Cette fois-ci. Avec une chanson de circonstance. Oh! Laquelle? La 15e francophone. C'est quoi déjà? Slush! Ah! De Danny Placard. C'est bon de dire aux gens c'est quoi la pièce dans le fond. T'sais. Ben, tu m'as demandé c'était quoi? Ah, OK. Tu me l'as vraiment demandé, fait que j'ai répondu à ta question. Ben, tout à fait, c'est une très bonne réponse. Ben, un point pour toi. Yes! Veux-tu savoir ce qui est le numéro 15 anglophone, par exemple? Ben, vas-y donc. Attends, faut que je te fasse peur. Bouh! C'est Horror Pops! Horror Pops! Ça fait peur. Avec Misfit. Mais tout de suite, voici Slush et Danny Placard. Palmarès c'est fou dans les ordres. 89.1 FM. Dans vos oreilles. Boum! Ha! neige encore, il fait frais, il vente fort. J'suis gelé de bord en bord. J'commence à trouver que l'hiver est long cette année. J'vais fouler mon pick-up pour m'en aller. Depuis six mois, les bancs de neige sont rendus aussi hauts que quand j'étais flot. Pour oublier que je pourrais geler, je suis bien emmitouflé dans mes couvertes, les yeux fermés. Je rêve que je me fais griller sur ma galerie, pis que c'est l'été. Ça dure depuis six mois. Aussi haut que quand j'étais flot. Au moins une fois par semaine, Virginie va tousser à quelque part en ondes. C'est beau à voir. Je pensais vraiment pas que le micro était ouvert. Ben, porte attention un petit peu. Oui. Numéro 15 qu'on vient d'entendre dans le désordre. Donc, c'était Our Pops avec Misfit de l'album Kiss Kiss Kill Kill. C'est une nouvelle entrée du côté anglophone. Oui, j'aime ça. Moi aussi. Ça me fait penser à quelque chose, mais je pourrais pas te dire tout de suite, c'est quoi. Est-ce que tu parles du refrain qui dit My Fit in the Middle of Your Face? C'est une parodie de Our House in the Middle of the Street. Ah, c'est ça. Ah, c'est peut-être ça. C'est pas ça que ça me faisait penser. Ben voilà. Merci. Ça fait plaisir. Et du côté francophone, on avait Slotch avec Danny Placard. Pièce de circonstance en ce moment? Oui, parce qu'on n'aime pas la Slotch. Non, début du mois d'avril, c'est toujours plate ça, la Slotch. Mais on aime la fin du mois d'avril. Parce qu'il commence à faire soleil? Ouais. C'est ça? Et parce que t'as fête, c'est ça? Oui! Je savais, elle me l'a dit tantôt, puis là, elle va continuer de me le rappeler pendant les prochaines semaines. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bon! C'est la fête de tout le monde dans ce coin-ci de l'année, il me semble, dans mon sac. Donc, juste avant, Danny Placard, on l'a dit, c'était Slush. Oui. Mais juste avant de continuer, était ce que je voulais dire. Je pensais que tu voulais qu'on revienne sur nos entrées d'avant qu'on avait fait jouer. Et là, j'étais comme, je me souviens pas du tout comment on était. On est déjà assez mêlés avec le palmarès dans le désordre comme ça. Non, ce que j'ai envie de faire, c'est le palmarès des pièces les plus écoutées dans les radios universitaires du Canada. Ah, là, je suis bien d'accord. C'est une chronique que j'apprécie particulièrement. Oui, tout à fait. C'est selon Earshot, qui est dans le fond, c'est ça. C'est eux qui répertorient tout ça à travers les radios universitaires, dont c'est fou. En 10e position, on retrouve Four City Lovers. En 9e, la formation Lady Hawk. En 8e, c'est Jason Collett. En 7e, The Ravenettes. En 6e, Vampire Weekend. En 5e, Destroyer. En 4e, Born Ruffians. En 3e, Black Mountain, qu'on vient de recevoir cette semaine assez fou et qui vient d'entrer dans nos palmarès en position numéro 14. On va les entendre un petit peu plus tard. Oui. Mm-hmm. Ensuite, la position numéro 2, on les a entendus à peine quelques minutes, c'est l'album Park Avenue de Plants and Animals. Et le grand numéro 1, on les connaît pas du tout, c'est fou, c'est Crystal Castles avec leur album éponyme. Oh, faudrait peut-être connaître. La plupart des groupes dans le top de Earshot sont des groupes canadiens, sauf Vampire Weekend et The Ravenettes. Donc ça, c'est pour la semaine qui se termine. En fait, leur semaine se termine les mardis. C'est drôle de chose, bizarre. Non? 1er avril, donc c'est selon Earshot. Pour plus de renseignements, allez voir le earshot-online.com. Mmh. Plus tard, on fera le disque des albums les plus vendus au Canada. Mais avant, tu as choisi quel numéro déjà? Les positions numéro 12, parce que j'ai vraiment très hâte d'aller entendre la position francophone. Mais avant, on va l'entendre en premier. Oui. Ensuite, on va entendre le numéro 12 anglophone, c'est Steve Hill avec Evil. On commence par quoi donc? Échapper au sort de Carquois. Tout de suite dans les palmarès, c'est fou au 89.1. FM. La Radio Campus de Trois-Rivières. La piqûre dans l'âme blessée.

Un jour, Amélia Larrain, je t'aurai. Tu n'auras jamais Amélia Larrain, car je vais défendre Amélia Larrain à la vie, à la mort. Va te faire! Non, t'es pas fine. Tu peux le prendre, ton micro, Amélia. Je l'ai déjà ouvert. Il marche. Je voulais que tu parles dedans. Mais là, c'est parce que je le savais pas. Mais parce que Amélia n'arrête pas de rire de moi, là. Mais oui, mais tu sais, faut que tu comprennes, dans ta vie, okay, il y a des gens qui servent à quelque chose. Moi, je sers à rire de toi. Ah. Puis ah, toi, okay. Tu sers à faire rire. Puis, au nombre de fois où que tu ris de moi, ouais, okay. Je pense qu'on a le droit quand même de se revenger un peu. Puis étant donné que c'est ma cousine et que, tu sais, bon, on a quand même un très bon lien, c'est un peu comme ma revanche personnelle. En fait, ce que ma cousine veut dire, c'est qu'elle n'est pas capable de se défendre toute seule. Voilà. Elle a besoin de garde du corps. Et voilà, comme j'ai des gros bras, j'ai des gros bras. Ah, c'est toi qui l'as dit, c'est même là, pas moi qui l'ai dit. Là, tu l'as dit dans le micro, là. Ouais, toi aussi. C'est moi qui fais une blague sur vos sangs d'habitude, une fois par semaine. T'sais. Ouais, pis là, en tout cas, c'est quoi ton point? Ben, c'est que t'aurais pu me laisser la faire, cette blague-là. Pour moi, faut que tu chicanes, c'est Virginie. Ah, bon. En tout cas, pour on vient. Oups. Je vais me passer de commentaire. On est en train de perdre le fil de la situation, là. Qu'est-ce que tu regardes? Ah, rien, on s'en va ça. C'est tellement évident. On vient d'entendre les positions numéro 12. Steve Hill avec Even, ça descend de la 5e position. Énorme chute. Ah, les filles, arrêtez de faire ça à chaque semaine. Les filles me montrent leur sein à chaque semaine. C'est tellement faux, et là! Moi, je le dis tout le temps. Parce que je trouve ça trop drôle. Faut être en fait, studio. On va faire comme... Faut pas de révéler notre vraie identité parce que les gens ils vont tout le temps nous demander de voir nos seins à partir ouais, de maintenant. Mais moi, je suis Madonna. Moi, je suis Britney Spears. Oh, wow. Tu vas falloir s'embrasser. Ouais. Wow. Ça a pas l'air. Comment juste un soir de radio pour réaliser les fantasmes d'un homme? Ouais. J'espère que, vu qu'on a 4 heures ce soir, je vais avoir une heure de plus de fantasmes. Hein? Chanceux. Bon. Juste avant d'entendre la 12e position francophone, si vous étiez là, parce que ça commence à faire longtemps, c'était Carquois avec Échapper au sort, nouvelle entrée. Et je suis vraiment pas déçue. J'ai très hâte d'entendre l'album au complet. Ouais. Ben, je vais te le procurer. Merci. Ou tu vas te le procurer via des moyens légaux. Oui. Bien sûr. Certainement. Donc. On est rendu à nos numéros 2 parce qu'on y va dans le désordre ce soir pour ceux qui ne suivent pas encore. Là, c'est aussi mêlant pour nous, ne vous en faites pas. On fait jouer les pièces dans un ordre tout à fait inadéquat ou incompréhensible. Ou dans le désordre. Ou dans le désordre, c'est plus simple comme ça. On est rendu au numéro 2, mais avant de faire le numéro 2, je vais encore une fois me virer faire une chronique. Oh. T'as envie? Oui, j'ai toujours envie. T'as toujours envie? C'est ça ce qu'elle dit. Tu peux y aller, tu sais, je vais faire le reste seul. Nouvelle entrée du top. Des CD les plus vendus au Canada. En 48e, c'est Sans pression avec La tendance se maintient. Ensuite, on monte à la 21e pour retrouver Alain Bachung avec Bleu pétrole. En 8e, c'est Counting Crows avec Saturday Nights and Sunday Mornings. En 7e, Boom Desjardins est une nouvelle entrée avec On se ressemble tant. Et en 6e, nouvelle entrée, Tokyo Hotel avec Scream. Top 5, en 5e, on retrouve la trame sonore de Hannah Montana 2, Meet Miley Cyrus. Ça descend de 2 places. En 4e, c'est une nouvelle entrée, The Raconteurs avec Consolers of the Lonely. En 3e, c'est l'ancien numéro 1, Bryan Adams avec Eleven. En 2e, la nouvelle entrée de Panic at the Disco, c'est Pretty Hard. Et en première position, ça monte d'une place, Jack Johnson avec Sleep Through the Static. C'est le top des CD les plus vendus au Kinélé pour la semaine qui se termine le 3 avril. Wow! Je suis tellement beau quand tu parles. Ça va être dur de faire encore combien de temps? 2h30 de ça? Arrête, tu nous aimes. Tu t'en vas, toi? Mais moi, je reste jusqu'à 9h. Ah, youpi. Mais je peux m'en aller si tu veux, hein? Bon, Beauclair! Ça va, ma malade. Pas mal assez fou, 80 fêtes. Ça sera samedi. C'est une tragédie. Si ça te dit. La plupart du temps, je suis un fantôme, je suis un fantôme. Quand je suis seul, la plupart du temps, je suis un fantôme, je suis un fantôme. La voix est brumante, signe que je crasse. Pour pousser la réplique, la tête à blé. the top to down. This is the fall down. This is the fall down. Down to the sun. La plupart du temps. This is the fall down. This is the fall down. Yeah.

Hello Johns avec Emergency Street, stable 11e position du côté anglophone. Et du côté francophone, on avait une entrée que j'aime particulièrement. C'est Gérald Gentil avec sa chanson « Mon prénom c'est Gérald, pas Gérard ». Ça me met vraiment heureuse, cette chanson-là. Ouais, tu vois, c'est comme on a vu les extrêmes dans ce bloc-là. Du côté de Gérald Gentil, c'est une pièce que dès la première écoute, j'ai adoré. Ouais. Alors que Hello Chance, ça a pris combien de semaines? Ça fait que c'est là, ça? Ça fait trois semaines. Et là, cette semaine, je viens vraiment d'accrocher. Je l'adore, cette pièce. Oui, en fait, moi aussi. Ben là, je l'adore pas encore. Là. Mais là, je suis en adaptation. Ouais, je l'aime. Là. Ben, c'est comme ça, les palmarès, c'est fou. Et voilà. Faut s'habituer tranquillement, pas vite. Faut plonger dedans. Un peu comme on a dit plus tôt, dans une piscine ou dans un spa. Non, la piscine après le spa. La piscine après le spa. Ouais. Voilà, ça fait le tour de la question, je pense. Ouais. Donc, ça, c'était nos positions numéro... Numéro 11. On est rendu à nos positions numéro 4 parce qu'on fait les choses dans le désordre. Ben oui, toi. Hein? Depuis le début de l'émission jusqu'à la fin, ce soir à 21h le vendredi, on finit une heure plus tard qu'à l'habitude. Et tant qu'à se compliquer la vie avec une quatrième heure, on s'est dit aussi bien qu'on s'est encore compliqué la vie. Hein? Stressons-nous pour rien. Ben oui, hein? On aime ça. On aime bien, bien gros ça, des émissions à concept comme ça. Oui. Je pense que c'est le moment de rappeler aux gens. Donc, qu'on est en direct de 17h à 21h. D'accord, le vendredi, on remplace la porte à gauche qui est de 20h à 21h d'habitude. Les auditeurs du mercredi de la reprise, on est quand même de 15h à 18h, seulement 3h. La quatrième heure va être diffusée dans la case de la dernière porte à gauche. Voyez, Jean? Ça aussi, ça nous complique la vie. Vu qu'on remplace la dernière porte à gauche, on remplace Kiwan partout où il serait normalement. On couvre ses cases horaires. Donc ça veut dire le jeudi à 13h et le samedi à 16h. Hein? Toutes les informations sont sur le cifou.ca. Allez voir la section programmation. Et dans votre tête, là, remplacez toutes les mentions de la dernière porte à gauche par les palmarès c'est fou. Hein? C'est pas pire? Voilà. Et moi, je répète aux gens de pas trop pleurer le mercredi parce qu'on revient le jeudi. Ah, c'est ça. Faut pas être trop triste. Mais non, mais je sais qu'on va s'ennuyer de nous, Mathieu. Tu le sais, les auditeurs nous aiment. Oui. Ils nous appellent pour nous le dire à toutes les semaines. Ils au singulier, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils au pluriel, Mathieu Plante. Il y en a plusieurs. Sinon, les gens que je croise dans le corridor me reconnaissent tous et me disent « Virginie, sérieusement, ton émission, les palmarès, non, ça rock. » Je suis sûr que t'allais dire « Sérieusement, ta poitrine. » Mathieu! Non, non, il parle de mon émission de radio. Ah. Et puis, tu vois, les gens nous aiment, Mathieu. T'as donc, dit je mon parle... émission de radio, je pense. Hein. Notre émission de radio. Commence pas à t'approprier une émission à laquelle tu participes une fois sur deux. Je suis là pendant 3 semaines d'affilée. Et ensuite, tu vas rater pendant combien de semaines? Une semaine. Et ensuite, tu vas être là une semaine? Je vais être là une semaine. OK, bon. Après ça va être l'été. Fait que l'été, je vais être là tout le temps. Ah! Ben sûrement, là, sûrement. Yes. Je veux dire, je veux pas m'avancer sur quelque chose dont je ne suis pas certaine, mais... Quel long silence pour rien, c'était vraiment comme... C'était beau. Rien du tout, attends. Ah. Tout le monde vient de changer de poste. Revenez nous voir, on est là. Allô, Palmarès, c'est fou. Bonsoir. Bonsoir les palmiers. Oui. Oui, on vous aime. Donc, on s'en va entendre. Les positions numéro 4 du côté anglophone, on va aller entendre la formation locale Madcaps avec Hear My Prayer qui monte de 6 positions. Et du côté francophone, on s'en va entendre Zurung avec 1981. Remixé par Asirka tout de suite. Palmarès, c'est fou! 89.1 FM, bonjour. on enchaîne tout de suite avec le numéro 14 anglophone. Voici Black Mountain avec Stormy High. Oh, pas mal assez fou. Au 89.1 FM. Dans vos oreilles. Ouais. La radio campus de Trois-Rivières. Évidemment, ça pourrait pas être ailleurs. Black Mountain avec Stormy High, nouvelle entrée en 14e position anglophone. Oui, et j'apprécie. Moi aussi. J'ai hâte de réentendre et de réécouter attentivement. C'est une de ces pièces qui va peut-être prendre du temps avant de s'habituer, mais... Oui, mais on va s'habituer puis on va aimer ça. Ça a du potentiel en masse. Ouais. Avant ça, on a sauté par-dessus la 14e francophone. Oui, qui était princesse du groupe Le Nom. Ouais, juste avant, ben non, non, pas juste avant. Non. Non. Tantôt, on va entendre l'opposition numéro 4. Non, on les a entendus. On les a déjà entendus? Oui, oui, ah, avant les 14. Ah, c'est ça. Je vais rappeler aux gens le concept. Parce qu'on est dans le désordre, Mathieu est encore plus mêlé que d'habitude. Tout à fait. Et moi, je suis de nature très, très mêlé. Il faut qu'on m'explique les choses plusieurs fois. Oui. Je vais faire la même chose avec vous. Vous l'expliquez une autre fois. On fait les pièces dans n'importe quel ordre ce soir. Hein? Dans un pêle-mêle total, un pot-pourri, un chibougamo. Qu'on pourrait dire. Ben oui. De variété, un variétage musical dans vos oreilles. Hein? Oui. Nos numéros 4, tantôt, ça va être Zurung. Non, on les a entendus. Excuse-moi. Non, je m'excuse. C'est pas grave. Je suis vraiment pas bon ce soir. Hein? Non. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Disons, c'était quoi nos numéros 4, qu'on en finisse un peu. Aide-moi, s'il te plaît. Non, mais j'aime ça de m'en patiner comme ça. Nos numéros 4. Ben, maintenant, tu sais comment je me sens pas mal tout le temps. Hein? Oh. Bien placé, quand même. Quand même. Dans les dents. Du côté anglophone, en quatrième position, on avait Hear My Prayer de Madcap. Et du côté francophone, on avait 1981 de Zurung, qu'on a attendu juste avant nos 14e position anglophone. Avant? Juste avant? Avant, oui. Oui, ah, oui, oui, parce qu'on les a attendus avant nos 14e position, qui était Stormy High de Black Mountain, qui était aussi une nouvelle entrée. Et la 14e francophone qu'on n'a malheureusement pas attendue, qui était Princesse du groupe Le Nom. Okay. Tu vois, je les débrouille quand même bien. Hein? On pouvait rappeler qu'avant ça, encore, c'était les numéros 4. Non. On peut le refaire sans arrêt, ça. 4, 14. OK, prochaine position qu'on va entendre tantôt. Hein? Ben oui. Oui, t'es d'accord avec moi? Je suis très d'accord. Bon. Ça va être Antoine Corriveau en 7e et puis Goldfrapp du côté anglophone. Mais avant ça, lâchons tout et parlons du journal Zone Campus. J'ai tout lâché. C'est un pitcher à terre. Hein? Zone Campus qui est en kiosque jusqu'au 13 avril, en fait. Donc, du 31 mars au 13 avril. Sur la couverture, on retrouve les étudiants pressent le pas. On parle évidemment du conflit syndical à l'UQTR. Il y a eu des développements depuis l'apparition du journal. On va en parler dans le prochain. Vous êtes certainement au courant. Je n'ai même pas besoin de vous rappeler tous les faits. Là. De toute façon, c'est une émission musicale ici. Mais trêve d'informations. Trêve de musique. Allons-y avec l'information. Je te laisse aller. Ouais, je sais. T'aimes ça me voir comme ça. Je sais que t'aimes ça. Donc, je vais sauter par-dessus la plupart des dossiers là-dessus. Mais disons que ça en parle en page 2 jusqu'à la page 5. Page 6, éditorial, heureux d'un printemps. Et le gala Epic Action, c'est dit récompenser l'investissement. Il y a une section vie étudiante où on parle de ce qui se passe avec le comité de l'environnement, le CIU, le comité d'intégration internationale universitaire, avec qui ont fait un gala des 5 continents le 5 avril. Il y a aussi le Vox Pop qui vous demande, considérant la grève des professeurs, êtes-vous plus ou moins stressé face à votre fin de session? On vous appelait aux urnes pour les élections à l'AGE-QTR qui avait lieu le 1er avril. En fait, ça s'est terminé le 1er avril. Dans le fond, c'est pas mal tout daté, ce journal-là, mais que voulez-vous. On va aller en arrêt spectacle, tiens. 20e salon du livre de Trois-Rivières. Ça, je sais que ce n'est pas passé. Hein? Est-ce que ça l'est passé? Ça dit, en tout cas, ça dit 3 au 6 avril 2008. Ah, c'est ça, non, c'est en cours présentement. On est le 4. Diplômé du QTR des auteurs à redécouvrir à ce même salon du livre. Il y a un article sur Frédéric Durand, sur des débats qui vont avoir lieu au salon du livre aussi. Il y a un petit article sur l'improvisation. La Luître est en finale les 7 et 10 avril qui s'en viennent. On parle aussi du spectacle des Chicken Swell, un retour sur Université en spectacle, l'exposition de Normand Boisvert, l'ensemble vocal de l'UQTR en concert printanier dimanche le 13 avril. Ça s'en vient. En sport, une fin un peu rapide pour les Patriotes soccer. On parle aussi des Patriotes en général. Je sais pas si, non, c'est qu'on parle du hockey précisément, mais bon. Ça demande où est la communauté universitaire et le Centre épique Saint-Georges. Un petit reportage là-dessus. Et on termine avec deux articles. 4 Patriotes à l'honneur et une saison exceptionnelle pour les filles malgré un revers en demi-finale. Voilà. C'est ce qui s'en vient approximativement dans votre journal Zone Campus qui est en kiosque jusqu'au 13 avril. On va évidemment vous tenir au courant dans le numéro suivant de développement par rapport au conflit syndical et à la grève. Mais la grève n'est pas terminée? Ben c'est ça, ben, on va vous tenir au courant sur ce qui s'est passé pour que ça se termine, la grève. Mais le conflit n'est pas encore complètement réglé, si je comprends bien. Je sais pas. Enfin, c'est un peu compliqué à suivre. On n'est pas des journalistes, nous. Non. C'est pas une émission d'information ici. Non. On a fait que relater ce qui est écrit dans le journal. Oui. Position numéro 7 du côté anglophone, on va l'entendre Goldfrapp avec Caravan Girl qui monte de 6 places. Et du côté francophone, un homme que j'apprécie particulièrement. Ton futur mari. Un de tes futurs maris. Tu commences à en avoir beaucoup, là, puis là, t'as un an, en tout cas. Ouais, moi, je ne m'avancerai pas trop là-dessus. Je les ai comme mis de côté un peu. C'est ça. Donc, t'es casé, là. Ouais. Bref, un homme que j'apprécie particulièrement et qui faisait partie de ma liste des hommes que je voulais marier. Antoine Corriveau avec l'épave. Ça commence tout de suite. Restez avec nous, c'est des palmarès, c'est fou, jusqu'à 21h le vendredi soir. Édition spéciale de 4h. Ouais. Retour, la musique de Goldfrapp, Creature, Petit Big, et on révèle nos grands numéros 1. Ouh là là! Au Palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM. Restez là, là, mes petits palmiers. Oui! What is your name? C'était Gold Frap avec Raven Girl. Oh oui. J'adore ça. Tant que ça. Et j'assume. Ben tant mieux, moi aussi j'aime beaucoup ça, Gold Frap. J'espère que ça va monter encore. Là, ça a monté de la 13e à la 7e et je veux que ça monte de la 7e à la 1e. Ouais, c'est monté vite en plus, c'était une nouvelle entrée la semaine dernière, 13 à 7 et quasiment la moitié du palmarès, chouing par en haut. Ouais. Ouais. L'album de Gold Frap s'appelle Seventh Tree. Oh. Juste avant, du côté francophone, c'était Antoine Corriveau avec L'Épave qui vient de son maxi Entre quatre murs. Ça monte de deux places, 4e semaine. Ça aussi, on espère que ça va monter. Ouais, ben c'est un artiste local en plus, Antoine Corriveau. Oui. Ça marche bien pour lui. En tout cas, ici, assez fou, ça joue pas mal. J'aime ça. Moi aussi. C'est cool. Très cool. Prochaine position qu'on va l'entendre, c'est nos 9e, mais avant ça. Avant ça? Avant ça, non, c'est les 5e qu'on va l'entendre. Oui, c'est pour ça que je te faisais des yeux. Ben, c'est pour ça. Je suis aussi mêlé que les gens à la maison qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est ça? On passe du numéro 8 au numéro 14, au numéro 2. C'est quoi cette affaire-là? C'est les palmarès dans le désordre. Oui. Les pâmes dans le dés. Bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver. Les pâmes dans le dés. Les pâmes dans le dés, man. Yeah. Yeah. Ah, on monte gangsta. Au col. J'ai pas de col, malheureusement. Moi, j'en ai un. Mais bon, ouais, ben, un capuchon, c'est pas vraiment un col. Là. C'est tout littéral dans les affaires. Là. Ça fait très gangsta, pareil. Tu vois, t'as l'air vraiment très gangsta avec ton col mauve. Mauve. Très viril. Donc, ouais. Papamier, je l'ai dit. Oui, oui, oui. Un deuxième ce soir. Papamier, pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est des courriels que le papa. Le papa? Mais papa et maman, le papa? Non, non, le papa. Papa. Palmier, papa. Le papa palmier. Le père de Virginie, donc, envoie ça une fois de temps en temps. Il est rapide sur le forward, lui. Oui, très rapide. Comme une gâchette. Ouais. Bon, c'est quoi ton papa palmier, Virginie? Ça s'appelle Méchant mariage. Je vous lis ça à l'instant. Ceci est une histoire vraie à propos d'un mariage récent qui a eu lieu à l'Université Clemson. Ça a apparu dans le journal local et même Jill Haineau en a parlé dans son émission. Ouh! Ouh là là! C'était un très grand mariage d'environ 300 invités. Après la cérémonie, lors de la réception, le jeune marié monta sur scène avec un micro pour s'adresser à la foule. Il dit qu'il voulait remercier tout le monde d'être venu, certains ayant parcouru de longues distances afin de les entourer le jour de leur mariage. Il tenait tout spécialement à remercier la mariée et sa famille, ainsi que le père de la mariée pour avoir offert une si belle réception. En signe de sa profonde reconnaissance, il voulait donner à chacun des invités un cadeau spécial de sa part uniquement. Donc, scotché sous le siège de chacun, y compris les proches, se trouvait une enveloppe. Il dit que c'était son cadeau pour chacun d'entre eux et leur demanda d'ouvrir les enveloppes. À l'intérieur de chacune d'elles se trouvait une photo grand format de sa jeune épouse en train de faire l'amour avec le témoin de mariage. Ah non! Oh! Le jeune marié avait commencé à soupçonner quelque chose quelques semaines plus tôt et avait donc engagé un détective privé pour les surprendre. Il se tint immobile quelques instants, observant la réaction des invités, évidemment, puis se tourna vers son témoin et lui dit « Va te faire foutre! » Il se tourna ensuite vers sa jeune épouse et lui dit « Va te faire foutre! » Il se tourna enfin vers l'assemblée hébétée et dit « Moi, je me tire! » Il fit annuler le mariage dès le lendemain matin. Alors que la plupart des gens auraient annulé le mariage immédiatement après avoir découvert la vérité, ce gars a fait face à toute cette mascarade comme si de rien n'était. Sa revanche? Faire payer aux parents de la mariée plus de 32 000 $ pour un mariage et une réception de 300 invités. Ah, mais c'est même pas la faute des parents en plus. Et par-dessus tout, salir la réputation de la mariée et du témoin de mariage devant 300 amis et membres de la famille. Oh, c'est fait fort. Fait oser, là. Élégante réception de mariage pour 300 membres de la famille et amis, 32 000 $ Photographe spécialisé pour commémorer l'événement, 3 000 $ Et la tranche de chacun au moment de la découverte de la photographe format, ça n'a pas de prix. Ça, c'était un très, très bon papalmier. Ouais, vraiment. Merci, papa. Oh, papa. Merci, papa. Oh, papa de Virginie. Oui. Merci, papa. Régent. Régent. Ton père s'appelle Régent. Oui, mon papa s'appelle Régent. Ta mère s'appelle comment? Joanne. Joanne et Régent. Oui. Ma petite sœur s'appelle Laurie. Ouais. Bon, ben, on va pas, on va quand même pas faire les cousins et cousines, là, tu sais, à un moment donné. Ouais, tu sais. Après, on va entendre de la bonne musique. Oui. Voici le Roi Poisson et le numéro 5 francophone. Premier rang suivi de... Premier rang suivi de Infield and Town de Hayden. Au palmarès, c'est fou. 89 FM. On est avec vous jusqu'à 21h le vendredi. Une heure de plus. Bonus round. Wouhou! Avec l'oreille

Que vous avez, vous, comme message sur votre paquet? Sur mon paquet, je t'écris « Les Noirs dansent bien ». C'est vrai qu'ils dansent bien, les Noirs. Ils dansent bien. Hey, non, mais checker ça, moi, sur mon paquet, ce que j'ai, franchement, c'est écrit « Les Indiennes sus ». C'est vrai, ça. Les Indiens qui ont inventé le kamashuta. T'es bien bon, peuple, ça. Hein? Toi, Marcel, c'est quoi ton paquet, toi? Moi, j'ai... Ouais. Les Chinois, ils ont le tour. Ah, vrai, ça, ils ont le tour, les Chinois. Oui, c'est du bien bon monde, ça, les Chinois. C'est tellement du bon monde, les Chinois. Moi, on est en train de dire rien que des bonnes choses, ces autres ethnies. C'est une bonne chose, les messages d'avertissement. Ah oui, ça nous ouvre aux autres cultures. Santé Canada et Immigration Canada unissent leurs voix pour vous dire « Fumer, c'est cool! » Évitons-la dans la question. Et voilà, c'est ce qui s'en vient dans la prochaine édition de l'émission d'Humour Extrême. Vidons alors la question, diffusée à C'est Fou les mercredis à midi, les vendredis à 9h et les samedis à midi. C'est à retenir, c'est la meilleure émission d'humour diffusée à C'est Fou dans ces cas horaires-là. Ouais. Non, c'est pas vrai. C'est très, très, très bonne émission d'humour. On adore ça. C'est pour ça qu'on en diffuse un extrait. Et cette semaine, un extrait particulièrement long sur l'intolérance raciale. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi. Très, très drôle. Il semble que ta voix me dit quoi, Mathieu? Ah oui, c'est parce que je l'entends partout sur C'est Fou. Ah! Es-tu en train de dire que t'en as assez de m'entendre? Non. Je dirais pas ça comme ça. Mais au moins, vidons là-dedans la question. Vous, à la maison, vous pouvez vous rassurer en sachant que ce n'est pas moi qui l'anime. Voilà, pour une fois. Ça fait changement un peu. Ça change de beat. Oui, voilà. Ça change de voix. Soyez donc tolérants envers moi. Là. Très tolérant. Le numéro 9, c'est ce qu'on s'en va entendre. On va sauter par-dessus le côté anglophone qui est Creature avec Bridget Bardot. Et du côté francophone, on est tout est atomisé. Notre ancien numéro 1. Oh! Qu'est-ce qui s'en vient en numéro 1? Avec Petit Big. De Petit Big, en fait. De Petit Big. De Petit Big. Au 89 FM, c'est les palmarès dans le désordre. N'importe comment. Les chiffres, comme dans une affaire de bingo. Chica chica ching, chica chica tang tang. Dans un monde palpable, sa poitrine est une sécurité. Le plaisir est une magie concrète. Mon univers n'est que géométrie. Mais tout se compte, se classe, s'écrit. Si tout n'est qu'écriture, où est la spontanéité? Tout est automatisé. Tout s'est automatisé. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Laquelle? On saute pas par-dessus Creature. Ouais! Non. Et voici Bridget Bardot, palmarès C'est Fou, 89.1. Hey! an escape like Bridget Bardot. Get me out of here. Take it to the place. It's a party, yo. I know, I know. Inside, outside, everywhere I go. Things are getting heavy and it's keeping me low. I've got to get away from the world I know. Break free, let it be out of control. Flip side, bright side, all around. Time to listen to my rhythm and leave this town. Cause I wanna hit a place that is off the ground. So I get into a spaceship and get up to get down. Et vous avez entendu les paroles No Sleep Alors, ben c'est le nom de l'album. Oh! C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de le chanter. Donc, la formation Creature, qui était en 14e, c'est une nouvelle entrée la semaine dernière. Donc, gros saut vers le haut, quand même. Ouais, quand même. Mais j'aime bien. Moi, j'adore, en fait, Brigitte Bardot. J'ai hâte d'entendre. L'actrice, la chanson, je m'excuse. Mais l'actrice aussi. C'est une actrice. Hein? Je suis pas éduqué bien, hein. Okay. J'ai l'air vraiment d'un con, hein. Mais bref, la chanson est très bonne et j'ai hâte d'entendre l'album au complet de Creatures. Oh, on va faire ça. Oui. La deuxième position francophone qu'on a entendue juste avant, c'était Tout est automatisé. Tout est automatisé. De Petit Big. Oui, petit gros. C'est une contradiction ambulante, Petit Big. Oh là là. Ouais, c'était l'ancien numéro 1 par contre, donc grosse chute. C'était l'ancien numéro 1, mais oulala, Oh là là! Oh là là! Quoi? On arrive à nos numéros 1! Non, dis-moi pas qu'on va enfin être rendu au numéro 1. Ben oui, toi! Hey, on a fait une émission dans le désordre aujourd'hui, juste pour vous, là. J'espère que vous l'appréciez. J'espère. Puis il nous reste encore 1h15 avec vous. Absolument, on rappelle l'idée de la chose en direct vendredi soir. On est le 4 avril. On continue jusqu'à 21h ce soir. Normalement, on finit à 20h. On est à 17h à 20h les vendredis soirs. Cette semaine, la dernière porte à gauche fait relâche. Donc, on continue jusqu'à 21h, jusqu'au lutin de l'enfer. Ouais. À 21h. Les gens qui écoutent la reprise, c'est chic, hein? Ouais. Les gens qui écoutent la reprise du mercredi, qui est normalement de 15h à 18h, ben ça reste comme ça. Hein? Ce qui s'en vient après nous, c'est l'assaut avec Frédéric Lévesque-Saint-Nom. La quatrième heure va être rediffusée dans la case horaire de la dernière porte à gauche. L'émission qu'on remplace. Ah là là. Ouais, bon, je sais que c'est un petit peu compliqué, là, mais c'est jeudi à 13h et samedi à 16h. Si vous voulez plus d'informations, savoir les cases horaires, allez voir le cif.ca, cliquez sur programmation et remplacez mentalement toute mention de la dernière porte à gauche par les Palmarès C'est Fou 4e heure. Hein, ça vous va, ça? Ouais, pleurez pas trop parce que je sais que vous allez vous ennuyer de moi. Ben, c'est toujours triste. C'est toujours vraiment... Pis, ça fait mal au cœur. Je sais, là, tu sais, c'est magnifique cette semaine, on a 4h, mais habituellement, t'imagines, les gens ont 3h, puis là, ils ont une semaine à attendre après nous. Hein? Ben, wow. Ils écoutent toutes les reprises dans la semaine, là, évidemment. C'est sûr. Mais là, ils ont 4h. Multiplier 24h fois 7, là, non, fois mais c'est long. C'est une heure de moins à attendre après nous. Ah, oui! Il faudrait compter le nombre d'heures que ça... Ben, 3 heures, en fait, de moins avec les rediffusions. 3 heures de moins à attendre après nous. Je trouvais que c'est compliqué, mes rediffusions tantôt, ça c'est encore plus compliqué. En tout cas, donc on est rendu à nos numéro 1, c'est vrai. Après ça, on va avoir un petit peu de temps pour vous passer de la bonne musique jusqu'à la fin de cette portion d'émission. Ouais, ben là, ça veut pas dire qu'on passe pas de la bonne musique depuis... depuis le début de l'émission. 17h, hein, quand même. Voilà. Nos numéro 1, ben on ne dit pas ce que c'est, mais... Non! Mais savez, tu vas nous faire un bon jeu de mots comme à toutes les semaines. Ben, certainement. Je veux dire que, tu sais, dans une journée, tu sais, on disait que ça prenait 24 heures fois 7 jours d'attente pour nous voir. Ce sera pas 14 heures. Non. Bien 24. Pas 14. Pas X1V, là. Puis on pourrait se battre. On pourrait se battre. Puis là, ben toi, tu serais trouvé coupable. Moi, ouais. Je serais trouvé coupable par association. Par association, parce vu que qu'on est c'est un complot. Tout à fait. On pourrait, après ça, décider qui est le par association et qui est le vrai coupable. Ça ferait une guerre. Ouais. Entre deux personnes. Une guerre de monde. De monde. Fond, si on veut. Puis ça aurait l'air vraiment fou parce que moi, je porterais mon petit string. Ouais, parce que des fois, ça m'arrive. T'sais. Ah ouais. Puis j'aurais l'air de genre de comment dire. C'est quoi les gars là, qui vendent leur corps? Là. Peux-tu le dire? Non, c'est pas le dire, ah, c'est okay. Le nom du groupe. C'est bien ça, je pensais. Hey, c'est bien beau faire des indices, mais je vais donner la réponse. Non, ben non, là, faudrait pas exagérer. T'es vraiment rigolote. Ah, je le sais. Mais gigolote. to say. Everything I deserve today is going to come true. How about you? No, you never thought you'd be in this place right here, where we're at. Well, there's something we must confront now. Les grands numéros 1 de nos palmarès, c'est fou cette semaine. On les aime, nos numéros 1. On les adore. Oh là là. Mais avant de dire les numéros 1, Virginie, oui. Faisons un petit résumé du top 3, parce que là, on fait l'émission dans le désert depuis le début de l'émission. On capote, là, on a fait 8, 16, 2, il n'y a même pas de numéro 16. 3 milliards. Oh là là. On a tout fourré. Fait qu'on va faire un petit résumé dans l'ordre pour vous ramener sur le droit chemin. OK. Je vais te laisser faire le numéro, les trois premières positions francophones. Francophones. Du numéro 3, on avait Gatineau avec Rap Maudit. Chanson que je répète à chaque fois, j'apprécie particulièrement. On capote tous les deux sur Gatineau sans cesse. Oui, vraiment. En position numéro 2, Saveur Marmelade avec Bon Beau Chlore. Ou, comme je répète à toutes les fois, Bartendre. Oui, c'est moi qui t'ai dit ça. Ça sonne vraiment comme je suis une bartendre. Oui. Puis, en position numéro 1, qu'on vient d'entendre avant la position numéro 1 anglophone... Évidemment. C'était la Guerre des mondes des gigolos. Groupe du Saguenay-Saint-Jean, Dolbeau-Mistassini. Et ça a monté vraiment en flèche. Hein. Vous savez qu'il y a quelques semaines, ça a commencé comme nouvelle entrée, il y a 4 semaines. Et là, d'un coup, c'est passé au numéro 2, schlac, numéro 1, schlac. C'est bon. Mais on aime ça, t'as quand même heureux. On adore les gigolos, très très bon. Ouais. Côté anglophone numéro 3, c'est The Blue Seeds avec Barcelona, c'est stable. En deuxième, ça monte de 2 à Berrincula de The Mars Volta. Et le numéro 1 monte d'une place, c'est Louis XIV avec Guilt by Association. C'est l'album, c'est Dustin Bodies. J'aime tellement ça quand tu dis Berrincula. À Berrincula. À Berrincula. Avec le R. Barcelona. Hein? Ouais, ouais, ouais. Virginie. Oh, ça fait italien. Cossette. Ouais. Cossette, pas vraiment. Non, non, vraiment pas. On a un petit peu de temps libre pour des activités parascolaires, Virginie. Oh là là! Oui, on va entendre un bon vieux succès des Palmes. Ah oui, c'est quoi? Oui, ça fait quelques mois à peine de ça. C'est quand même semi-récent, là. Mais j'ai toujours aimé ça. The New Pornographers, leur album s'appelle Challengers. Et la pièce qui était sur les palmarès, c'est My Rights vs. Yours. Et la voici tout de suite au palmarès, c'est fou. Au 89 FM. The hope of spring, mirage of loss, a few more things. You left your sorrow dangling. It hangs in air like a school cheer. Complex notes inside the chords. On every wall, inflections carved. Deep as lakes and dark as stars. Remember, we were the volunteers. Knew this and nothing more. Now it's my rights versus yours. Under your wheels, your hopeless reign. You fought too hard, we're up too late. We had suspended from the heights until it's safer to walk here. Chances with the easy call, the call I've searched, the medicine, it still won't work, but there's dangerous levels of it here. Same thing as the other time, but now it's your rights versus mine. The truth in wheels, the chances held gave me to save me from myself. Spectacles painted with my shaking hand. Fingers in paints we brought. Thinking we'd need them when we're not. Flying the flags of new empires and rights. A new empire and rights. Truth in one free afternoon. a new empire in rags. The truth's in one free afternoon. A new empire in rags. The truth's in one free afternoon. A new empire in rags. The truth's in one free afternoon. Under your wheels it fits and starts. The time to dabble in the arts. To tease the packs of dogs in charge. But kid, it's all wasted on me. Under your wheels the hope of spring. Mirage of loss. A few more things. And it still won't sing. But there's dangerous levels of it here. The New Pornographers avec la pièce My Rights vs Yours de leur album Challengers. C'est un bon vieux succès des Palmarès dans le passé flashback. Et ça deviendra un nouveau succès dans, dans ma voiture ou sur mon ordinateur que j'écouterai en repeat. Tu vois, j'ai vraiment aimé. J'aime ça quand je te fais découvrir des affaires le fun. J'aime ça quand tu me fais découvrir des trucs le fun aussi. On continue à chaque semaine de faire ça et à vous aussi à la maison parce que les Palmarès, c'est fou. C'est une émission de découverte musicale. Oui. Hein? Même si c'est les plus grands succès de C'est fou, dans le fond, c'est un condensé des succès que C'est fou a eu pendant la semaine, les pièces les plus jouées. Ça reste qu'il y a des choses que vous ne connaissez probablement pas là-dedans. Et voilà. C'est déjà la fin pour la portion Palmarès, c'est fou. En fait, les auditeurs du mercredi vont nous quitter. Oui, pour aller entendre l'émission L'Assaut avec Frédéric Lévesque-Saint-Don. Non, pleurez pas. Frédéric Lévesque-Saint-Don est très bon aussi. Oui, son émission parle de faits insolites en tout en passant de la musique des plus variées. C'est toujours très bon. C'est L'Assaut, Frédéric Lévesque-Saint-Don. Ça, c'est pour les auditeurs du mercredi. Pour les auditeurs du vendredi, ceux qui nous écoutent en direct de 17h à 20h, eh bien, restez à l'écoute parce qu'on continue, nous, jusqu'à 21h en remplacement de la dernière porte à gauche. Kiwan est absent cette semaine. Il va être de retour la semaine prochaine. Donc, on comble sa case horaire. Et oui, on est heureux. Malheureux que Kiwan soit pas là, mais on est heureux de faire une heure de plus. Évidemment, on aime toujours parler avec lui à la fin de notre émission. D'ailleurs, les auditeurs du mercredi de la rediffusion, vous, là, vous voulez entendre cette quatrième heure, ben vous pouvez. Demain! Demain, jeudi, à 13h, dans la case horaire de la dernière porte à gauche. Et il y a aussi le samedi, mais ça va être trop tard pour vous. Ouais. C'est samedi qui s'en vient, ou demain, à partir de 16h. Hein? Ouais. Oh non, attends, je m'excuse, ça va être l'autre semaine d'après. Ah. C'est vrai, donc vous allez pouvoir l'entendre la semaine prochaine. Oubliez ça, j'ai rien dit. Voilà. Vendredi, restez là. C'est pas mal, c'est fou qui se continue avec une heure complète de Écoutons la don. La chanson. Restez avec nous. Pendant une heure complète, après les palmarès, c'est fou! Écoutons la don! La chanson. Bonjour! Bonsoir! Bonsoir! Bienvenue à Écoutons la don. La chanson. Tellement vraiment une belle heure qu'on va passer ensemble en remplacement de la dernière porte à gauche. Oui. Qui est tous les vendredis soirs à 20h. Mais si vous écoutez, là, ben vous savez que c'est pas ça qui joue. Oui, hein? Vous savez que c'est écoutons là dans la chanson. Et on tombe dans un mode relax, lui. Ah! C'est une émission de soirée, ça, dans le fond. Ouais. La diffusion n'aura pas rapport. Et les lumières sont fermées dans le studio. Pour elle, c'est magique. S'il n'y avait pas d'écran d'ordinateur, on verrait rien du tout. Puis là, on s'endormirait, puis on pourrait pas animer. Fait qu'on remercie les ordinateurs. Merci! Merci que vous êtes fin ordinateur. on va commencer cette émission par un de tes choix. Merci. Oui, c'est Trois gars sur le sofa. J'aime bien leur chanson samedi. J'ai décidé de vous la passer ce soir. Bon. C'est ça qu'on s'en va écouter. Ben, écoutons la donc. La chanson. C'est... Après ça, je vais suivre ça avec une pièce de Duchess Sense. Oh! C'est très beau. C'est samedi, il mouille. Il est pas supposé de mouiller l'hiver. C'est triste pour ceux qui ont fait d'efforts. C'est pire pour ceux qui aiment les défaire. J'écoute la pluie qui coule. Je me dis que sûrement dans la forêt, les animaux sont contents. Ils se retrouvent tout seuls comme dans le temps. Les trottoirs sont couleur miroir. Ça demande vraiment beaucoup d'efforts pour marcher sans tomber. Mais moi je t'ai vu, fait que ça fait ma journée. Un peu triste, je classe mes photos par ordre chronologique. Ça passe le temps, je voyage dans mes négatifs. La pluie, l'hiver en nostalgique. C'est samedi, il mouille. Je vais sortir dehors, prendre de l'air. Je vais amener ma bulle avec moi, même si la pluie passe à travers. Ça tente pas vraiment d'aller loin. J'ai déjà ma petite goutte sur le nez. Les pieds mouillés, les cheveux collés d'en face. Un petit air de grimace. Classe mes photos par ordre chronologique. Ça passe le temps, je voyage dans mes négatifs. La pluie, l'hiver, la pluie, l'hiver en nostalgique. Samedi, mouille, paraît que ce sera pas mieux demain. J'ai laissé un message chez toi, si tu rappelais, ça me ferait du bien. On dirait que tout le monde est parti, je vais retourner me coucher dans mon lit. Je vais faire la paix avec la pluie, puis je vais dormir jusqu'à lundi. Moi, ça me fait capoter dans le bon sens. C'est quand même très différent. Hein? C'est vraiment spécial. Ça s'appelle Duchess Says. J'aurais peut-être besoin d'une deuxième, troisième, peut-être même 5-6 écoutes. Là. Ah, j'aimerais ça trouver une autre petite pièce courte là, de 2 minutes. En veux-tu une autre? Ben, peut-être plus tard. Plus tard. Ouais. J'aime ça. Plus tard, c'est bon, ça. J'aime ça plus tard. Mettre plus tard, moi, c'est toujours ce que je fais dans ma vie. Ah, procrastination. Ah, oui. Hein? Donc, la formation Duchess Says, c'est québécois. Ah, ouais? C'est montréalais, si je me rappelle bien. Oh! Ouais. Ben là, ça marque des points. Là. Ouais. Leur album s'appelle Anthologie des Trois Perchoirs. La pièce qu'on a entendue, c'est Tenen Non Ne. Tenen Non Ne. C'est spécial, hein? Ouais, quand même. Mais bon. Ben, comme la chanson, en fait. Voilà. C'est vraiment un style très, très particulier, mais moi, je capote. Ben, ouais, peut-être. Qu'est-ce que tu nous as fait entendre juste avant? Je vous ai fait entendre Trois gars sur le sofa avec la chanson Samedi. Mm-hmm. Moi, elle me rend un peu nostalgique, là, comme la chanson le dit. Ben, ouais. Je l'aime bien. Ouf! Ouais. Moi aussi, c'est un des albums que j'ai bien aimé l'année passée. Ouais. Très, très bon. Prochaine pièce, c'est aussi toi qui l'as choisi. C'est aussi moi. C'est une chanson de Coldplay, c'est Shiver. Une autre pièce qui me fait frémir, en fait. Qui me donne des frissons. D'accord. Moi, c'est Shiver, frissons. Shiver, frissons. Je ne l'ai pas pogné avant que tu me le dises, dans le fond. Ouais, comme... mais c'est parce que tu sais, j'essaie d'imiter tes jeux de mots. J'essaie de me descendre au même stade que toi. Puis là, tu comprends pas mes jeux de mots. Fait que là, je suis comme plus quoi faire. Quand c'est d'autres gens qui les font, je pense que c'est plus compliqué pour moi. Moi, je comprends tout ce que je fais, tu sais. Ouais, puis moi, je comprends pas toujours tout ce que tu fais. Écoutons la don. Hein. La chanson. Ouais. By your side, just you try and stop me. you know how much I need you, but you never even see me. Shiver de Coldplay. Ah, écoute, on adore la chanson. Oui. Virginie, c'est le moment de te faire jouer une deuxième pièce de Duchess 16. Déjà? Oui, déjà. Je suis prête. N'attendons pas plus longtemps. Leur album s'appelle toujours Anthologie des trois perchoirs. Et voici à l'instant la pièce La Friche. Écoutons-la donc. La chanson. Ouais. D'accès, celle-là, par contre. Ouais. Un petit peu plus étrange, plus que l'autre de tantôt. C'était donc Duchess 16 avec la pièce La Friche de leur album Anthologie des Trois Perchoirs. J'ai vérifié, c'est bien de Montréal. J'étais pas sûr de quelle ville du Québec c'était. Ouais, c'est vrai, on voulait vérifier. Montréal. Voilà. Je pensais que ça allait marquer des points vu que ça venait de Montréal, mais en tout cas, mon opinion personnelle à moi, j'ai de la misère. Je vais quand même te forcer à acheter l'album. Tu me forceras pas. Non, te le procurer, disons. Te le faire écouter. Tiens, c'est un meilleur mot. Te le faire écouter pour voir. Juste pour voir. Ouais, je vais faire une écoute attentive, mais bon. Je vais faire mon possible. Voilà. Duchess 16, myspace.com/Duchess16. Maintenant, est-ce que tu veux passer à une pièce de toi ou est-ce qu'on écoute ma suggestion vers toi que je crois vraiment celle-là que tu vas aimer? La suggestion. OK. Parfait, j'aime ça. On va l'entendre, la formation de Bird and the Bee. C'était sur le palmarès de C'est fou il y a quelques mois, encore une fois, de ça. Peut-être année. Peut-être année, parce que moi, ça me dit rien. Puis si ça fait quelques mois, j'étais là. Je vais vérifier tantôt. L'album s'appelle Again and Again and Again and Again. C'est un EP de 4 pièces. Là-dessus, il y a la pièce I'm a Broken Heart, Fucking Boyfriend, un remix de Fucking Boyfriend. Mais celle que je vais te faire entendre, c'est Again and Again. Et j'ai vraiment l'impression que tu vas aimer ça. J'espère. On écoute ça à l'instant. Écoutons-la donc. La chanson. Ouais. Écoute attentivement. J'écoute. Ouais. Again and again and again and again. Do it again, do it again. Again and again. It's a shame, it's a shame, it's a perfect shame. Creep under my door and we do it again. Easy and easy and easy and easy and creepy and creepy and creepy and creepy. Oh, again, again, again. Stupid and perfect. I hate you, I want you, I hate you, I hate you. Oh, again, Virginie, est-ce que j'avais raison? Ben, tu connais mes goûts musicaux, Mathieu, depuis le temps que je suis assez fou. Ben, en fait, ça fait pas si longtemps que ça, mais tu commences à connaître mes goûts, j'aime vraiment ça. J'ai hâte de découvrir les quatre chansons au complet. C'est magnifique, c'est The Bird and the Bee. La pièce, c'est Again and Again, ça vient de leur EP, leur maxi Again and Again and Again and Again. Mais est-ce qu'ils ont un album autre que le EP? Tu vois, je suis même pas au courant de cette question-là. Faudrait. Cette réponse-là. Par contre, je sais que je vais mettre le lien vers leur MySpace sur le site de l'émission au www.unechance.com. Les informations sont toutes là-dessus. Parfait. Voilà. Je vais aller consulter. Maintenant, c'est ton tour. C'est mon tour, encore. Oui. J'ai l'impression que c'est juste de mes chansons qui jouent ce soir. Mais pourtant, tellement pas. Ben, je sais. Mais les tiennes sont courtes. C'est ça, les miennes durent 2-3 minutes, les tiennes durent une douzaine de minutes. Oui, ben là, 12 minutes, non. Là, la prochaine, elle dure 3 minutes 40, je pense. Genre, c'est à peine. Et c'est Yellow Card avec Empty Apartment. Ah, OK. Écoutons-la donc. La chanson. You stayed inside one you love is where you hide, shot me down as I flew by, crash and burn. I think sometimes you forget where the heart is. Answer no to these questions. Retour, on écoute du Run Chico Run et du Malajub. Ah, écoutons la don. La chanson. 89.1 FM. Run, Chico, Run avec Jack and Madeleine de leur album Chachebo, un de mes groupes préférés depuis que je suis arrivé à C'est fou, que j'entends des nouveautés, puis ça, c'est vraiment dans mon top. Je sais pas. Moi, je sais pas. À soir... T'es pas sûr de mes choix, hein? Je suis difficile. Ah, c'est triste. Avec plusieurs échos, sûrement. Je m'excuse. Peut-être. Qu'est-ce qu'on a entendu avant, du Yellow Card? Oui, Empty Apartment. Tout à fait. Tout à fait. Dans le prochain bloc, on va entendre du Malajub. J'ai pas encore décidé quelle pièce je vais mettre, par contre. Je garde un petit suspense. Ouais. Mais on commence par un de tes choix dans ce bloc. Valière, un des hommes de ma vie. Ça vient de l'album Bordel ambiant. Oui. Et la pièce s'appelle... Plate. Écoutons-la donc. La chanson. En remplacement de la dernière porte à gauche jusqu'à 21h le vendredi soir. T'es plate, comme sortir tes vidanges. Plate, comme manger du pâté chinois. T'es plate, comme quand on suit la loi. T'es plate, comme un complet veston cravate. T'es plate, aussi plate qu'un aristocrate. Plate comme tout le monde qui chatte, t'es plate comme rouler quand la lumière est verte. T'es triste comme quelqu'un qui rentre en police. T'es triste comme ne payer pour une pipe. Triste comme espérer ta pièce de type. T'es triste comme un vieux Chris qui dit Chris. T'es triste comme des enfants qui marchent en rang. T'es triste comme quelqu'un qui a perdu son gars. Triste comme un dimanche après-midi. T'es triste comme jouer du pozoqué. Y'a plus rien assez beau pour toi. Hey, hey, hey, on part où tu t'en vas. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Hey, hey, par où tu vas? Ah oh! T'es plate comme être assis, je suis à galerie. T'es plate comme un adolescent qui pourrit. Plate comme faire des choix réfléchis. T'es plate comme quelqu'un qui a compris. T'es plate comme quand y'a plus d'anarchie. T'es plate comme le lac Massawippi. Plate, aussi plate que mettre de la nappe. T'es plate, t'attends ton chien qui jappe. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Y'a plus rien d'assez beau pour toi. Hey, hey, hey, on part où tu t'en vas. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Hey, hey, par où tu vas? Oh oh. T'es triste comme un film 3X. Triste comme une section nécrologique. T'es triste pis t'es même pas en crise. Okay. Gatineau, avec une extrêmement bonne pièce. Les Contes immoraux, oui, c'est bien ça que le gars chante. Les Contes immoraux. Ouais, mais Gatineau, qu'on va continuer d'écouter après ta chronique, parce que Gatineau, on aime. Hey, on aime ça. On va écouter deux autres pièces, deux autres. Oh là là! Moi, je me sacrifie dans mes choix pour passer plus de Gatineau. Moi, je suis heureuse quand tu te sacrifies. Veux-tu te sacrifier à écouter une chronique que les gens aiment bien? Je me sacrifie et j'écoute attentivement. Voyons le plancher! Notre tour du monde, des gens stupides qui font des choses stupides. On commence par un cambrioleur qui s'était introduit dans un salon funéraire en Espagne, qui a tenté de déjouer les policiers en faisant le mort, mais il a été capturé quand ceux-ci se sont rendus compte que le présumé cadavre respirait. De plus, l'homme portait des vêtements nettement moins chics que ceux dont sont normalement vêtus les défunts qui sont conduits à leur dernier repos. Les policiers disent n'avoir aucune idée ce que le jeune homme de 23 ans voulait voler quand il s'est introduit dans ce salon à proximité de Valence le 17 mars dernier. Ce sont des voisins qui ont appelé la police quand ils ont entendu la porte de l'établissement être défoncée en plein milieu de la nuit. À l'arrivée des policiers et du propriétaire, le cambrioleur s'était allongé sur une table sur laquelle sont normalement placés les corps pendant une veille funèbre. Un policier a expliqué que le malfaiteur portait des vêtements de tous les jours, sales et fripés. Depuis, il a essayé de faire le mort, mais il respirait. L'identité du cambrioleur n'a pas été révélée, mais il n'en était pas à ses premiers faits d'armes. Drôle de gars. Ouais. On continue avec... ça se passe dans le canton de Genève, en Suisse. Les cambrioleurs n'ont peur de rien. Des voleurs ont cambriolé en mars dernier la villa du conseiller d'État Laurent Moutineau, chef de la justice et de la police sur la commune de Bellevue. Cette information de la presse genevoise a été confirmée par l'Associated Press. Selon l'hebdomadaire, le vol s'est déroulé pendant le sommeil du ministre. Les cambrioleurs ont notamment emporté son ordinateur. Le chef de police de Genève a été cambriolé durant son sommeil. Il dormait sur la job. Est-ce que c'est le gars qui a volé, qui était assez stupide pour prendre le risque de le faire pendant que le gars dormait, ou est-ce que c'est le gars qui dormait qui était stupide? Bonne question. Très bonne question. Poule ou l'œuf? Puni par son père pour ne pas avoir fait ses devoirs, un Indonésien de 9 ans a pris la fuite en prenant soin d'apporter avec lui un sac contenant 10 000 $. Il a été retrouvé 4 jours plus tard, les poches vides. Selon le Jakarta Post, le garçon, décrit par son père comme étant un enfant intelligent et hyperactif, aurait passé 3 jours à déambuler dans des salles de jeux et des centres commerciaux de la capitale indonésienne et à acheter des jouets. Il a ainsi profité de sa courte fugue pour s'offrir une PlayStation 3 et plusieurs gadgets. Il a tout dépensé l'argent qui était destiné à payer le pèlerinage à la Mecque de son père, selon le quotidien Republica. Et on termine avec cet article qui dit qu'il était moins une pour William Bowen qui, après une nuit bien arrosée avec des amis à Muncie dans l'Indiana, s'est réveillé dans la benne d'un camion déboueur. Le chauffeur du camion venait de vider une poubelle dans la benne et s'apprêtait à activer son broyeur lorsqu'il a entendu l'homme crier. Il a levé la tête et a vu cet homme debout dans la benne de son camion. Selon lui, William Bowen, selon le gars de l'entreprise de collecte, Bowen a seulement dit qu'il avait froid. Cet homme était extrêmement saoul, a-t-il ajouté. J'en doute même pas. Ben non. William Bowen a expliqué qu'il avait bu avec des amis dans un bar de Muncie jusqu'à environ 3 heures du matin, mais qu'il ne se rappelait pas comment il avait atterri dans le camion. Il a refusé de révéler l'identité de ses camarades de boisson. Il a été soigné pour des blessures légères. Et je cite, « Je suis simplement content que les choses se soient arrangées. » Et ce n'était pas un cadavre, c'était un corps qui parlait, a déclaré Larry Green de l'entreprise de collecte d'ordures. Voilà. Donc, c'est des gens stupides qui font des choses stupides. On rappelle un cambrioleur capturé dans un salon funéraire parce qu'il respirait. Le chef de police qui cambriolait durant son sommeil. Un enfant de 9 ans qui s'enfuit de chez lui avec 10 000 $ et un homme ivre qui finit sa nuit dans la benne d'un camion poubelle. On aime ça. C'est très stupide. Une chance qu'il y en a. Une chance. Voilà, c'est le tour du plancher. Virginie, c'est ton tour. C'est mon tour? Oui, tout à fait. C'est ton tour. Oh non, c'est mon tour. C'est ton tour. Ah, j'étais sûr que c'était... Tiens, on s'en va entendre Back in the Days. Avec l'intro. C'est la meilleure partie de la pièce, c'est l'intro. Oh oui, Back in the Days de Gatineau. Ouais. Écoutons-la donc. La chanson. Back in the Days. Es-tu prêt? Ouais! Parce que t'es vraiment prêt! Bitch, ta main des airs comme si t'as encore ici! C'est bon pour moi, back in the day! C'est bon pour toi ici! C'est bon pour moi, back in the day! Tout le monde écoutait Bon Jovi pis Dépêche Mode. Tout le monde disait partout que le hip hop c'était juste une mode. C'est bon pour moi, back in the day. C'est bon pour Twitch. C'est bon pour moi, back in the day. C'est bon pour Twitch. Je fais rien, je fais ça ma façon. Je fais ça frais, c'est bon dans la maison. C'est ta petite house comme combinaison. Back in the day, t'as tant d'avantages. Back in the day, avec mon ghetto blaster. Ces instrus de cool maudit. Ça met pas de but, mais c'est cool à maudit. J'serais pas dans de l'air, mais c'est pas par choix. Le seul en québécois qui chasse, c'est quoi? C'est rappelle-moi donc. Rappelle-moi donc, c'est quoi? Rappelle-moi donc. Rappelle-moi donc, c'est quoi? J'rope des moves de break comme dans Robocop. Sur le dos, sur le ventre, up and down, flip flop. Back in the days, j'ai pas peur d'avoir peur. Back in the days, j'ai tant des hip-hoppers. Back in the days, j'ai pas peur. BPMD, Grandmaster Flash. Plus d'après-midi, j'ai le sound dash. J'fais du style gratuit dans la langue de j'en arrache. Back in the days, j'ai connu ces rockers. C'est mon ghetto blaster. You live in the past, man. Back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days, back in the days. Retour à la musique de Dashboard Confessionals. Là, écoutons la don. La chanson. My conscience est un... Les vulgaires machins et la télé me regardent de leur album Comptez les corps. Écoutons-la donc, la chanson. Oui, juste avant, c'était Dashboard Confessional avec Hands Down. Et c'est la fin déjà d'Écoutons-la donc, la chanson. Un spécial d'une heure en remplacement de Kiwan et la dernière porte à gauche. Je vous rappelle que Kiwan sera de retour la semaine prochaine. Et puis, les auditeurs du samedi et du mercredi, là, ce qui nous suit, c'est le Voyage insolite avec Frédéric Durand. Ensuite, leur concept avec Simon Fitzbé. Les vendredis soirs, c'est Lilton Enfer qui prennent les ondes à partir de 21h. Les Palmarès, c'est fou, c'est toujours en direct les vendredis soirs de 17h à 20h en temps normal. On rappelle les mercredis de 15h à 18h. Virginie, merci beaucoup de ta présence. Merci Mathieu. Merci à vous les palmiers à la maison. Oui. On se retrouve la semaine prochaine. Et on se quitte sur le numéro 1. La pièce qui était numéro 1 il y a exactement 5 ans de ça. C'était pour la semaine du 4 au 10 avril 2003. Ça va être Yannick et les Barnick avec On est libre, mais on suit la masse. Oh. Faites attention à vos genoux. Bonne chance. Bonne soirée. Bye bye. Bye. Salut là. 4 heures, c'était long, hein? Bien, pas trop souvent.